La Chevalerie du Petit Bois, c'est 25 biquettes, dont 3 boucs en réalité. Plein de chevreaux qui sont nés cette année. Et en fait, c'est une histoire d'une chevalerie collective qui est née il y a un an. Et un groupe de personnes qui ont eu envie de se lancer dans cette aventure. Disons qu'on est tous un peu à notre première expérience d'élevage, quoi. Et l'idée, c'était de produire du fromage pour pouvoir le vendre en même temps que le pain et le pain qui est fait au sans-chêne et les légumes du sabot. Et du coup, pour toi, c'est pas une histoire de contact avec l'animal ou d'avoir envie de faire des trucs avec des chèvres? Pour moi, non. Ça, c'est venu après. Ça, c'est venu au fur et à mesure que je le faisais. Où là, j'ai commencé à mieux observer les bêtes, à éprouver du plaisir à passer du temps avec elles. C'est sous la ZAD. Et du coup, cette envie que j'avais de montrer que j'ai encore aujourd'hui, de montrer que la ZAD, c'est pas des terres à bétonner comme eux, ils voudraient, les décideurs voudraient faire croire, mais qu'il y a de la vie, que c'est possible encore avoir un petit élevage, voilà, qui de gestion familiale, disons, gérée par un collectif. Et la chèvrerie, elle est leur bâtiment là où elles dorment, il y a la partie couverte et il y a un parc où elles peuvent se balader librement toute la journée. Et après, il y a la sortie libre dans le champ qui peut durer 3 heures, 5 heures par jour. Et certains jours, elles ne sortent pas si il pleut parce que... En fait, ce n'est pas qu'on est méchants, c'est juste que ça ne leur fait pas du bien de brouter l'herbe mouillée. Elles ne reconnaissent pas quelles sont les plantes toxiques et les plantes bonnes pour leur santé. Les chèvres, du coup, sortent que quelques heures par jour. Enfin, pour en avoir parlé à des gens qui ont déjà fait de l'élevage pendant longtemps... disait que c'était clairement pas assez pour elle, quoi, qu'elles avaient besoin d'être dehors vraiment toute la journée, quoi, quasiment. Bah, nous, on avait mis en place un enclos qui, du coup, on met les chèvres dans un enclos électrique qui, en réalité, une fois qu'elles se sont habituées à l'électricité, on enlève à l'électricité, c'est une petite charge, quoi. On les met là avec des seaux d'eau et on les laisse là toute la journée. Potentiellement, c'est possible de faire. C'est juste que, vu que le climat, ça le permet rarement, c'est un peu difficile, quoi. Ça voudrait dire que dans la journée, il ne va pas pleuvoir, que l'herbe n'est pas mouillée. Du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est que quand on ne les sort pas, on leur amène des branches, des ronces, des trucs qu'on sait qu'elles aiment bien, et on coupe de l'herbe... de l'herbe fraîche, voilà. Après, le problème, c'est qu'on n'est pas des éleveurs et on a tous et toutes pas seulement envie de faire ça, mais on a envie de faire, voilà, de faire autre chose, d'être sur la ZAD, de faire de la politique. Et du coup, il faut faire un choix, là. Je veux dire, soit on s'occupe toute la journée de nos bêtes, mais je pense que même dans les élevages, disons, standards, normaux, ça se fait pas. Soit on trouve des compromis pour faire autre chose à côté, quoi. Bah, en fait, elles sortent quand il y a quelqu'un avec eux. Il y a d'autres endroits, genre en montagne, tu vois. Tu prends tes chèvres, tu fous une crèche à la plus grande, tu les largues le matin, elles remontent toute la journée. À la fin, tu fais boum, piep, piep, puis elles redescendent toutes et tu les traites, quoi. Sauf qu'ici, il y a des routes, il y a des chasseurs, il y a des terres qui appartiennent à des cons qui s'y voient des chèvres sur leurs terres et vont faire « Ah putain, il y a des chèvres sur mes terres » et qui vont les buter. Enfin, juste, il y a plein de contraintes territoriales et physiques là qui font que c'est hyper compliqué de les laisser vadrouiller toute la journée. Ce que moi j'aimerais bien. Enfin, je pense que ce que tous on aimerait bien, je pense en vrai. Quand on aura pété la départementale, on pourra faire ça. On sépare les mères des petits, bien évidemment, pour le sévrage du petit et pour avoir le lait. En fait, l'idée, c'est les garder, les séparer le moins longtemps possible. Ce qui est problématique, par contre, et qui est important aussi de les séparer, c'est que, au-delà du fait de prendre le lait, c'est que, en fait, les petits sont plus fragiles. Et il y a un peu dans les troupeaux toujours la loi du plus fort. Et du coup, on a vu que c'est bien aussi séparer les chèvres selon l'âge qu'elles ont, parce que sinon, elles se font latter la gueule par les autres, quoi. Enfin, les plus grosses, c'est toujours comme ça. Plutôt que de se galérer à les sortir séparément, à gérer deux troupeaux différents, les petits et les grands et tout, on a préféré faire un truc de les séparer la nuit, afin de pouvoir prendre le lait du matin, et de passer un certain nombre de chèvres qui étaient en double traite en monotraite. Donc du coup, on produit moins, dans un but à la fois de bien-être de l'animal, mais de notre bien-être à nous aussi, de gagner du temps et de ne pas avoir du boulot en triple. Et pour ce qui concerne le bouc séparé des chèvres, on les sépare parce que pour éviter qu'elles aient des grossesses trop tôt, quand elles sont trop jeunes, les chevrettes, et aussi trop tôt dans l'année. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de mal, au contraire, c'est bien. Et en sachant que dans la nature, à l'état sauvage, en fait, les animaux, ils sont rarement tout le temps ensemble, les hommes et les femelles, les mâles et les femelles. Comment ils réagissent à ça, justement, à cette séparation-là? Bah, les boucs, ils s'énervent, mais justement parce que... Après, les boucs, ils sont très sociables, ils sont super gentils, ils sont câlineux. Du coup, on essaie quand même d'aller les voir faire des câlins. Et les chevreaux, bah, ils pleurent. Les deux premières nuits, ils pleurent toute la nuit. Et après, ils s'habituent, et ils sont avec les chevreaux de leur âge, et ils font leur vie, quoi. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut réguler le troupeau, et notamment l'équilibre mâle-femelle, quoi. Enfin, en fait, pour moi, c'est pas possible d'avoir de l'élevage sans meurtre. Donc, moi, ça fait partie intégrante du truc, en fait. Et du coup, on n'était pas d'accord entre nous. Il y en a qui refusent de tuer. Qui refusent de tuer ou d'élever pour tuer. Ou il y en a qui disent « Oui, ok, d'accord, ça peut exister, mais je veux pas voir, je veux pas savoir. » Chacun a ses petits trucs, tu vois. Moi, c'est plus l'inverse qui me blase, tu vois. Genre, là, on a donné un chevreau à quelqu'un, bon, je sais qu'il va le tuer, donc du coup, j'ai envie d'aller le voir pour le faire avec lui. J'ai pas envie de déléguer ça à quelqu'un d'autre. Si on arrive à les donner, on les bute pas. Et d'un autre côté, t'avais des gens comme l'autre pote ou moi, là, qui disaient « Mais attends, mais c'est pour les donner à... » C'est quoi le mieux en fait? Tu préfères quoi? Tu préfères passer ta vie au bout d'une chaîne à un arbre ou crever quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est une vie quoi en fait? Du coup, moi en vrai, ça me pose plus problème de le donner à des gens qui n'ont pas d'exploitation et qui vont faire une tondeuse de jardin que de le tuer. Du coup, pour l'instant, ils ont tous été donnés. Il y en a un qui est donné à une personne avec qui on est un petit groupe de gens qui sont dans la chèvrerie qui ont envie d'être là et de l'aider au moment où il va le tuer. Pour ce qui concerne le style de vie, nous on essaie de que ça soit le plus cool possible pour les bêtes et on essaie d'avancer dans ça quoi. Du coup c'est même par rapport aux élevages normaux, c'est pour faire des choix qui sont pas tout le temps dans la rentabilité et dans la production, mais aussi dans le bien-être des bêtes et notre bien-être aussi quoi. Tu vois par exemple là on a une chèvre, une chèvre de fossé, elle est toute petite parce que ça grandit doucement, elle a un petit et on a décidé par exemple de pas la traire même si parce qu'elle va donner pas beaucoup de lait et parce que le petit il est vraiment petit, elle est toute petite, on n'a pas envie de la traire, on a envie de le laisser avec son petit le plus longtemps possible et après voilà quoi. Il y a quand même des trucs difficiles à le fait de prendre du lait, que ce soit il y a un côté violent du truc et un côté d'être maître de l'animal qui est hyper dur à... je suis pas sûre que je les ferai de l'élevage dans le futur. Parce qu'il faut être prêt en fait à avoir tout ça dans la tête quoi, et être prêt à se rendre compte qu'il faut faire des sacrifices certaines fois et qu'on ne peut pas tout le temps faire le mieux pour la bête. C'est juste impossible. Parce que du coup tu parles de compromis, mais ces compromis, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup sur le dos des chèvres en fait. Elles choisissent pas ce qui leur arrive. Non, elles ne choisissent pas. Pas trop, par contre, elles se barrent, elles arrivent à sortir de l'enclos. Mais du coup, on ne les engueule pas. Non, on aime bien nos chèvres parce qu'elles sont quand même des chèvres rebelles. Parce qu'elles ne se laissent pas trop faire, on en chie certaines fois, mais on les aime bien pour ça, on les aime bien parce que certaines fois, elles n'ont pas envie de se faire traire. Et du coup, on lutte, mais pas vraiment contre elles, quoi. On laisse, voilà, elle s'est rébellée, c'est cool, elle a gagné. Elle a gagné quoi. Elles ont une façon différente de comme elle ne peut pas prendre les décisions, elle s'est rébellée quoi. Ils ont droit.